Cyril Béraud, il est président de Savoir-faire Linux. Il est en compagnie de Julius Gray, l'avocat bien connu. Bonsoir, bonjour à tous les deux. J'allais dire bonjour. Bonsoir, bonjour à tous les deux. C'est particulier parce que, M. Béraud, on s'était parlé il y a quelques semaines. Vous étiez à Paris, je pense, au moment où vous avez entrepris cette poursuite contre le gouvernement du Québec. Et Julius Gray, on s'était parlé sur notamment sur le dossier des appels d'offres du métro de Montréal. Mais donc, vous avez représenté Cyril Béraud dans cette poursuite. Alors, je résume un peu et vous me corrigerez, M. Béraud, si je fais erreur. Donc, vous avez poursuivi le gouvernement du Québec, en fait, la Régie des rentes, qui avait, je pense, en 2008, lancé un appel d'offres pour remplacer ou mettre à jour des équipements informatiques de ses bureaux. C'était un contrat de quoi, 700 000 $ ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas eu d'appel d'offres. Le contrat a été attribué automatiquement à Microsoft. Et vous, vous avez protesté en disant « j'opère une compagnie qui travaille avec des logiciels libres, donc qui ne coûte rien ». Et j'aurais voulu participer à l'appel d'offres. Je suis sûr que je serais arrivé avec un prix inférieur à celui de Microsoft. Jusque-là, est-ce que je me trompe? Vous résumez très, très bien la situation. Bien. Et donc, on va expliquer un peu rapidement. Donc, vous avez entrepris cette poursuite, représentée par Maître Gray, qui est un redoutable avocat, tout le monde le sait, et vous avez gagné. Jeudi dernier, la Cour supérieure a rendu une décision en disant « vous aviez raison, vous auriez dû participer à l'appel d'offres et le gouvernement, dorénavant, devrait ouvrir tous ses contrats informatiques à l'ensemble des intervenants dans le milieu, y compris ceux qui opèrent des logiciels libres. » Jusque-là, ça va aussi? Tout à fait. Donc, vous avez gagné. Et ça veut dire quoi? Que dans l'avenir, ils vont devoir avoir un appel d'offres et qu'il est très possible que le jour des logiciels commerciaux sont comptés. Et donc, un logiciel libre, juste pour rappeler un peu aux gens ce que c'est un logiciel qui ne coûte rien à acheter. Oui, c'est ce qui se développe sur Internet. C'est des logiciels qu'on trouve sur Internet qui sont développés par des entreprises, par des individus, par des universités et qui remplissent toutes les fonctions que les logiciels même propriétaires peuvent remplir. Donc Linux, c'est un logiciel d'exploitation? Absolument, par exemple, Firefox, OpenOffice, pour donner les plus connus, mais c'est en fait des dizaines et des dizaines de milliers de logiciels. Il faut savoir que les logiciels libres sont à la base de tous les grands empires économiques qui sont en train de se bâtir dans le monde. Quand on parle de Google, Google a été bâti grâce à des logiciels libres. Quand on parle de Facebook, ce sont des logiciels libres. Actuellement, l'économie de l'Internet fonctionne essentiellement grâce aux logiciels libres. Le logiciel libre, c'est l'industrie qui a la croissance la plus forte dans le monde de ces dernières années, plus 44% en Europe. Et c'est utilisé par de grandes organisations. La Maison Blanche, je pense, utilise des logiciels libres. Les gouvernements européens, l'Angleterre a passé à ça. Mais alors, où est-ce que vous faites votre argent? Si le logiciel est gratuit, si on peut aller chercher gratuitement dans Internet, qu'est-ce que vous faites, vous, comme savoir-faire Linux? Eh bien, écoutez, c'est comme une voiture en pièces détachées qu'on va trouver sur Internet. On va rassembler ces pièces et on va construire un système d'information exactement adapté aux besoins de nos clients. Vous allez personnaliser les logiciels, les applications pour les besoins spécifiques du client. C'est une économie de service. Et comme il faut être près de son client, c'est une économie locale, de proximité, qui participe d'un développement durable. C'est-à-dire que ces millions de dollars, c'est même des centaines de millions de dollars qui sont envoyés à l'étranger sans véritable plus-value, sous la forme d'achats récurrents, parce qu'il faut racheter tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, comme c'était le cas à la Régie des rentes, eh bien on va pouvoir utiliser cet argent pour l'investir localement dans l'expertise de haut niveau et qui va consister à prendre effectivement ces composants logiciels qu'on trouve sur Internet et construire des systèmes d'information adaptés à nos clients. Mais adapter les logiciels aux besoins du client, ça Microsoft le fait aussi, j'imagine, avec ses propres logiciels. L'économie, elle est vraiment dans l'achat du logiciel. Dans l'achat et puis alors surtout dans la capacité, si vous voulez, à gérer un système d'information qui change tout le temps. Maintenant, la plupart des gains de productivité dans quel que soit le secteur économique, ça va être dans la capacité à gérer des systèmes d'information qui changent tout le temps. Pour prendre l'exemple de l'État, à chaque fois qu'une loi est votée maintenant, c'est des services qui sont en ligne, qui sont fournis aux clients. Ça veut dire que chaque loi, c'est une armée d'informaticiens qu'on va lever pour transformer ces règlements en algorithmes qu'on va implémenter sous la forme de services informatiques aux citoyens. Donc vous voyez que le système d'information de l'État va changer constamment. Donc c'est en fait aussi une réponse technologique aux nouveaux besoins des organisations. Ça c'est le volet technologique et économique, d'immenses économies, des systèmes technologiques qui fonctionnent beaucoup mieux. Mais c'est aussi tout un ensemble de valeurs. Le logiciel libre est bâti sur autour de valeurs qui sont celles de liberté et de partage. Mais ça, vous dites que c'est un choix pas juste économique, c'est un choix philosophique. Oui. Mais disons, il y a une chose très simple. Par exemple, au Québec, on ne parle que des appels d'offres, des contrats attribués par préférence. Québec, Montréal, même Ottawa. Mais voilà, la Cour vient de confirmer que l'appel d'offres, c'est la règle et que toute exception doit être très, très étroite, très, très bien expliquée. Donc ça, c'est une question d'intégrité. Mais je pense que M. Perrault parle également de l'aspect liberté. Oui, ça, c'est un aspect fondamental. Il faut bien se rendre compte que les technologies, maintenant, nous permettent d'accéder au savoir, nous permettent de créer, nous permettent d'accéder à la culture, nous permettent de communiquer. L'informatique est maintenant dans les entreprises, mais elle est aussi maintenant rentrée dans notre vie privée. Mm-hmm. Est-ce qu'on accepterait que, par exemple, nos enfants soient nourris, même gratuitement, par McDonald's, pour citer des noms comme ça? Non, parce que c'est le rôle de l'école de permettre un apprentissage, d'un accès à la nourriture. Maintenant, pour la question du savoir et de la culture, comme on accède par les technologies à ce savoir et à la culture, est-ce que c'est aux multinationales de nous imposer quoi savoir, comment apprendre, comment créer, comment inventer, comment innover? Et contrôler l'accès. Et contrôler l'accès. Donc la question de l'appropriation collective de l'informatique libre est une des questions fondamentales des sociétés modernes. Et c'est là où vous dites que ça devient un choix philosophique et non pas juste un choix économique. Un choix de valeur. Oui. Mais en fait, celui qui a le logiciel contrôle un peu la forme du savoir, mm-hmm. la forme de comment les gens vont s'exprimer, vont faire ces choses. Qu'est-ce que vous avez dit au juge pour le convaincre, M. Green? L'aspect important était l'aspect juridique, qui était les lois sur les appels d'offres. Il y a une loi qui dit que généralement, ça prend un appel d'offres pour un organisme public. Il y a quelques exceptions. Maintenant, le gouvernement voulait interpréter ça de façon tellement souple que tout pouvait être l'exception. Si on pensait qu'on pouvait obtenir ça un peu d'une façon un peu plus, efficace ou autre, on pourrait aller directement chez une compagnie de distribution. Et la Cour a dit non. Pour que ce soit vraiment acceptable, l'exception, il faut que ce soit la seule façon de le faire. On ne peut pas, trouver une petite différence entre le logiciel de Microsoft et le logiciel libre et dire « c'est ça que je veux ». Donc, pour cette petite différence, je n'ai plus besoin d'appel d'offres parce que j'exige ça. L'exigence doit être raisonnable dans les circonstances. C'est la question d'intégrité qui peut nous permettre de gagner devant la Cour. La question de liberté n'est pas juridique, mais elle est là, elle est essentielle. Elle est réelle, ouais. Oui. Alors donc, ce que vous avez contesté, c'est l'attribution d'un contrat de 700 000 $ de la Régie des rentes. Mais est-ce qu'on sait globalement, pour l'ensemble des opérations du gouvernement du Québec, qu'est-ce que représentent les contrats informatiques dans une année? Ça peut varier, j'imagine, d'une année à l'autre, mais il doit avoir une certaine constance. Oui. Alors, les budgets informatiques de l'État, c'est le deuxième budget de l'État. Donc, c'est après la santé? Globalement, parce qu'on trouve l'informatique dans la santé, dans l'éducation. À tous les secteurs. Mmh. En termes de dépenses, l'informatique représente le deuxième budget de l'État après les salaires. Donc, c'est des milliards. C'est des milliards, c'est absolument considérable. Donc c'est effectivement très important. Et l'important dans ce jugement, c'est que le juge a très bien étendu son jugement à l'ensemble des pratiques gouvernementales qui sont en cause. Il faut comprendre que le modèle propriétaire qui a régi jusqu'à quelques années l'économie de l'informatique est un modèle qui crée des monopoles. Et les monopoles n'ont jamais été une bonne chose pour l'économie. En monopole, on n'a pas. C'est votre fournisseur qui vous impose ses conditions, ses prix. Et c'est aussi une très mauvaise chose pour l'innovation, puisque la concurrence et les nouvelles idées ne peuvent pas s'affirmer. Mais donc, c'est des milliards de contrats par année. Si on passait par une entreprise comme la vôtre, des entreprises qui développent des applications avec des logiciels libres, qu'est-ce que ça représente comme économie pour l'État? Alors, d'abord, on a des systèmes qui marchent. Il faut voir dans l'histoire là, des projets gouvernementaux au Québec, c'est que c'est une succession d'échecs. On n'arrive pas à bâtir des systèmes d'information complexes sans liberté, sans maîtriser ses codes sources. Mm-hmm. Donc ça, c'est un point important. C'est déjà, avant de penser aux économies, pensons à faire marcher nos systèmes d'information. Ça va être la clé de la modernisation de l'État. Vous le savez, il y a une génération qui est en train de partir à la retraite. Un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé. Il faut absolument moderniser et rendre plus plus efficace l'État, qui est avant tout une immense machine à traiter de l'information. Donc les questions informatiques, là, sont au cœur de cette question de la modernisation de l'État. Ça, c'est un point qui est assez important. Mais pour les économies, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, pour les aspects, ce qu'on voit comme maintenant, le fait que le Québec soit en retard, ça a aussi un avantage, c'est qu'on a maintenant toutes les expériences dans le monde. Hein, on s'aperçoit que... On peut apprendre des erreurs des autres. Exactement. Mais en termes d'économie, qu'est-ce que ça représente? Il nous reste peu de temps, c'est quand même au cœur de cette histoire-là. Écoutez, ce sont des centaines de millions. Et c'est justement en ayant un marché libre et ouvert qu'on permettra d'évaluer. Le problème, c'est que par exemple, Savoir-Faire Linux, on n'a pas pu soumissionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu évaluer et étudier les différents coûts. Oui, mais si vous aviez soumissionné, au lieu de 700 000 $, qu'est-ce que vous auriez donné comme prix? Je ne peux pas dire précisément dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas eu les informations exactes, mais ce que l'expérience nous montre et les histoires dans d'autres pays nous montrent, c'est qu'on divise en gros par deux les coûts informatiques. Donc ça peut représenter 50% des coûts. Ça peut. Et il y a une autre tombée qui est très importante. Vous savez qu'il y a la controverse maintenant concernant les wagons du métro. Mais j'allais y arriver, justement. Vous êtes devenu spécialiste des appels d'offres, Maître Gray. Et d'informatique, bien que je sois totalement rétrograde dans ma vie personnelle. Mais écoutez, c'est évident que la position de ceux qui pensent qu'on peut tout simplement attribuer un contrat de cette nature-là en disant on veut le wagon Alstom ou Bombardier ou n'importe qui, je ne fais pas maintenant de plaidoyer partisan, qu'on peut tout simplement attribuer le contrat sans passer par l'offre, c'est directement contraire au jugement du jugeat. Mais donc vous avez évoqué, et je m'excuse, on va en parler rapidement, mais de cet appel d'offres de la Société de transport de Montréal pour la construction de nouveaux métros. Vous êtes impliqué dans le dossier parce que vous représentez Joujou, comment prononcez-vous? Joujou, donc une compagnie indienne qui voudrait participer à cet appel d'offres. Est-ce que le jugement dans le cas des logiciels libres vous donne des arguments pour plaider la cause de Joujou dans le dossier du transport en commun? Ça donne certainement des arguments, comme la cause que Bombardier que Alstom avait gagnée en 2007 a donné des arguments, le jugement du juge Silkoff. Maintenant, chaque cause est différente. Je suis sûr que les adversaires seront toujours très habiles et trouveront d'autres arguments. Mais c'est certainement un élément de plus dans l'établissement d'une règle presque inébranlable passée par la soumission. Une dernière question, M. Béraud. Vous avez commenté le jugement dans Le Devoir de la semaine dernière. Vous avez dit que ce jugement-là va libérer le gouvernement du Québec de l'emprise de Microsoft. Est-ce que, finalement, le gouvernement est heureux du jugement? Je ne sais pas s'il est heureux, mais ce qui est certain, c'est que le premier bénéficiaire de ce jugement, ça sera l'État québécois. Et donc le contribuable. Et donc le contribuable, ça c'est certain. Juste pour reprendre, la question c'est pour reprendre les propos de Julius, comment se fait-il que l'État, comme ça, soit la proie de multinationales qui s'emparent de véritables pans entiers de systèmes? C'est, je pense, parce que l'État a oublié qu'il est porteur de valeurs. Et moi, je suis convaincu, en tant que chef d'entreprise, que c'est avec des valeurs qu'on crée de la richesse. Et tant qu'on n'aura pas mis ces valeurs, et pour le logiciel libre, et si cette affaire a tellement résonné dans la société québécoise, c'est que je crois que les valeurs du logiciel libre, qui sont celles de la liberté et du partage, ont rencontré, à un moment donné, parfaitement celles de la société québécoise, qui sont aussi celles-ci. Le gouvernement a 30 jours pour faire appel. Est-ce que vous pensez qu'il va faire appel de cette décision de la Cour supérieure? Je crois que ça serait se tirer une balle dans le pied, parce que je pense profondément que c'est un jugement dont le premier bénéficiaire est l'État et tous les contribuables. Et ça fera jurisprudence ailleurs dans le monde? Jurisprudence. Maintenant, c'est leur droit de faire appel. Moi, en tant que juriste, je ne peux pas dire qu'ils feront ou ne feront pas. C'est leur droit que je respecte. Mais je pense que le jugement est une très bonne chose pour le Québec et pour le monde entier. Oui, parce qu'on en fait écho de cette décision un peu partout, en France, aux États-Unis, au Japon. Le Québec a été tout le week-end au cœur là, du monde de l'Internet. Des articles dans le monde entier qui ont suivi l'affaire. C'est une affaire qui, d'ailleurs, depuis le début, était suivie depuis. Parce que cette situation qu'on vit au Québec, de nombreux États à travers le monde la subissent. Alors, je rappelle que Cyril Béraud est président de Savoir-Faire Linux et que Julius Gray est un avocat bien connu, qu'on reçoit très souvent avec, à ce micro, avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, messieurs. Merci. Bonne journée. Merci.